بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة لهذا الدرس الرابع في التعليق على كتاب صلاة التراويح من صحيح البخاري. Bienvenue aux chers frères et sœurs pour ce quatrième cours dans l'explication du chapitre lié à la prière du Taraweeh tiré du livre Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. وقد وصلنا إلى الحديث الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله. Nous sommes certes parvenus au hadith 4, au quatrième hadith qu'a cité l'auteur رحمه الله. Il nous dit حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. Il nous dit, Ismaïl nous a rapporté que Malik lui a rapporté, selon Mushihab, selon Urwat ibn Zubayr, selon Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié, et ceci pendant Ramadan. Et ceci pendant Ramadan. فهذه الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله هنا هي رواية مختصرة. Et donc la narration du hadith qu'a cité l'imam al-Bukhari ici, c'est une narration qui est résumée. وَقَدْ ذَكَرَهُ بِتَمَامِهِ فِي أَبْوَابِ التَّهَجُّدِ فِي أَبْوَابِ التَّهَجُّدِ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. Et donc l'imam al-Bukhari rahimahullah, il a cité ce hadith entièrement dans les chapitres liés au tahajjud, donc la prière qu'on accomplit à la fin de la nuit. Et on a dit donc précédemment, donc at-tarawih, la prière au début de la nuit, at-tahajjud à la fin de la nuit. Selon Aïcha radiyallahu anha, Umm al-mu'minin, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس. عائشة رضي الله عنها, la mère des croyantes, qui dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a prié durant une nuit à la mosquée et que les gens priaient avec lui. C'est-à-dire donc que c'était lui qui dirigeait la prière. ثم صلى من القابلة فكثر الناس. Et ensuite, la nuit d'après, il a aussi prié. Et les gens sont venus en grand nombre. فصلى نعم ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة. Ensuite, la troisième ou la quatrième nuit, les gens se sont rassemblés. فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils se sont rassemblés, mais le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas sorti de chez lui donc pour prier avec eux. فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. Et donc ensuite Aïcha radiallahu anha, elle dit, certes, j'ai vu ce que vous avez fait. Donc le fait que vous vous soyez rassemblés. Et la seule chose qui m'a empêché de sortir vers vous est que j'ai eu peur que cela ne soit rendu obligatoire, cela ne vous soit rendu obligatoire. Donc j'ai eu peur que la prière du Tarawih devienne obligatoire. Et cela, donc Aïcha qui nous dit, et cela c'était donc pendant Ramadan. Fafi hadha al-hadith fawaid. Il y a dans ce hadith, ô chers frères, plusieurs leçons importantes. Minha anna al-ijtima' lit-tarawih laysa min al-bid'ah bal huwa min ad-din li kawn an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa'alahu kama marra bina fi ad-durus as-sabiqah. Et donc parmi les leçons importantes qu'il y a dans ce hadith, il y a le fait que l'ijtima', le fait de s'unir pour accomplir la prière du Tarawih, de se réunir pour accomplir la prière du Tarawih, ceci n'est pas une innovation. Mais au contraire, cela fait partie de la religion, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, comme nous l'avons vu lors des cours précédents. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة مع أصحابه بعد ذلك خشية أن تفرض عليهم أو على أمته. Et ensuite, dans ce hadith, il y a le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas accompli la prière après cela avec ses compagnons, parce qu'il a eu peur que cette prière devienne obligatoire. Il a eu peur que cette prière soit rendue obligatoire à sa communauté. Et cela fait partie de sa miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, pour sa communauté. Et cela confirme aussi que la religion est facilitée. هل تتخيلون أيها الإخوة لو كانت صلاة التراويح واجبة في الجماعة لشق ذلك على كثير من الناس. Méditez, oh chers frères, est-ce que vous imaginez si la prière du Tarawih était obligatoire en groupe, donc à la mosquée? Cela aurait été difficile pour beaucoup de personnes. Cela aurait été difficile pour beaucoup de personnes. وفي الحديث أنه قد يحصل أمر قد يكرهه الناس وهو خير لهم. Il y a dans le hadith que il se peut que il se passe quelque chose, il se produise quelque chose que les gens détestent ou n'aiment pas, mais qu'en réalité c'est un bien pour eux. C'est un bien pour eux. Comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Il se peut que vous détestiez quelque chose, mais que c'est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez quelque chose, mais que c'est un mal pour vous. Mais Allah sait et vous ne savez pas. والأمثلة على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. Et certes, il y a beaucoup d'exemples dans la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم qui montrent cela. لذا المؤمن إذا أصابه شيء مما يكرهه ينبغي أن يذكر أن الله تبارك وتعالى يريد بعباده الخير. Et c'est pour cela que le croyant, lorsqu'il est touché par quelque chose qu'il déteste, qu'il n'aime pas, il est touché par un mal, alors il doit se rappeler du fait que Allah تبارك وتعالى il veut le bien pour ses serviteurs. وأن الذي يصيبنا لا يكون إلا بحكمة من الله. Et que ce qui nous atteint, le mal qui va nous atteindre, ne peut être que d'une sagesse venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Kulla na'lamuha. Il se peut que nous ne connaissions pas cette sagesse. Mais dans tous les cas, c'est d'une sagesse venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants, ils ont même cité des sagesses dans la création de Iblis. Dans la création de Shaitan. Tu penses qu'il n'y a pas de sagesse dans le mal qui va te toucher ? وإن أمر المؤمن كله خير كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. Et aussi, il est convenable de se rappeler que la situation du croyant tout entière est un bien, comme l'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الخطأ الفاحش الذي وقع فيه كثير من الناس في تقديم المستحبات على الواجبات. Il y a aussi dans ce hadith la grave erreur dans laquelle sont tombées beaucoup de personnes lorsqu'ils vont faire prévaloir les actes recommandés aux actes obligatoires. Ils vont faire prévaloir les actes recommandés aux obligations. فَالصَّلَاتُ فِي الْمَسْجِدِ وَاجِبَةٌ أي الصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَةُ. Et donc la prière à la mosquée, elle est obligatoire, oh les frères. C'est-à-dire les prières obligatoires. Les 5 prières obligatoires, elles doivent être accomplies à la mosquée. لِمَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ كَمَا بَيَّنَّهُ فِي عُمْدَةِ الْأَحْكَامِ. Et ça, bien entendu, c'est pour celui qui est proche de la mosquée. La prière à la mosquée est obligatoire pour celui qui est proche de la mosquée, comme nous l'avons montré dans l'explication de Umdat al-Ahkam, le chapitre de la prière. فَتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَحْضُرُونَ صَلَاةً وَاحِدَةً فِي الْمَسْجِدِ السَّنَةَ كُلَّهَا فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَإِذَا بِهِ يَحْرِصُ عَلَى صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ. Tu trouves parfois certaines personnes qui n'assiste à aucune prière à la mosquée toute l'année. Et lorsque vient le mois de Ramadan, alors c'est là qu'il s'efforce d'assister à la prière du Tarawih. Hada ajib, ça c'est surprenant. La naqulu lakum utruku at-tarawih. Nous ne vous disons pas de délaisser le Tarawih. Non, continue le Tarawih. Alaykum bil maktubati kadhalik. Mais vous devez aussi accomplir les prières obligatoires. Wa ashaddu min dhalik man yusalli at-tarawih wa la yusalli al-wajibati aslan. Et plus grave que ça, il y a celui qui va accomplir la prière du tarawih mais qui ne prie pas du tout à la base. Je dis pas il prie pas à la mosquée, je dis il ne prie pas ni à la mosquée ni à la maison. Il ne prie pas. Mais par contre, pendant Ramadan, il assiste au tarawih. بل قال لي احد الاخوه الذين تركوا الصلاه في المسجد انه تركها من اجل الخوف من انتشار كورونا. Un de nos frères qui a délaissé la prière à la mosquée, il m'a dit que il a délaissé la prière à la mosquée parce que il craint, il a peur quant à la propagation du corona. فَإِذَا بِهِ يَخْرُجْ مِنْ فَرَنْسَ كُلَّ لَيْلَةٍ لِصَلَاتِ التَّرَاوِيحِ فِي الْلُكْسَمْبُورِ. Et c'est le même qui va donc quitter la France chaque nuit pour aller accomplir la prière du Tarawih au Luxembourg. Pour aller accomplir la prière du Tarawih au Luxembourg. وقال لي آخر إن المكتوبات تقع في أوقات العمل أما التراويح فلا. Un autre, il m'a dit que les cinq prières obligatoires, elles tombent au moment du travail. Mais le Tarawih, c'est pendant la nuit, non. Et donc le Tarawih ne tombe pas pendant les heures de travail, vu que c'est pendant la nuit. وَهَكَذَا صَارَتِ الدُّنْيَا مُقَدَّمَةً عَلَى الْآخِرَةِ. Et c'est ainsi que la dunya prévaut sur l'au-delà. La dunya prévaut sur les obligations de notre Seigneur, chez certains. Et cela est grave. Cela est grave. Nous devons impérativement corriger ce problème. قال تعالى كما في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله تعالى Il dit comme dans le hadith al-Qudsi. Il dit, celui qui a de l'animosité envers un de mes alliés, alors je lui déclare la guerre. Celui qui agit avec animosité envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et certes, mon serviteur ne se rapproche de moi par une chose que j'aime le plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. Puis mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi en accomplissant des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. إذن الطريقة اللائقة هي البدء بالواجبات. Et donc la méthode correcte, la bonne méthodologie, ô chers frères, est de commencer par les obligations. Il est important de commencer par les obligations. On ne te dit pas de délaisser les actes surrogatoires, mais rajoute les obligations. C'est la base que tu as les obligations. Fais tes obligations, oh mon frère. Crée Allah tabaraka wa ta'ala. Nous devons arrêter d'avoir peur de cette dunya. Wa fil hadith, ar-raddu 'ala an-nasara wa man tashabbaha bihim fi kawnihim yudkhiluna fi ad-din ma laysa minhu fa yakhtaruna ma huwa fard wa ma laysa bi fard. Il y a dans le hadith une réplique aux chrétiens. Il y a dans le hadith une réplique aux chrétiens et tous ceux qui leur ressemblent. Tous ceux qui leur ressemblent. Hein? Et cela dans le fait qu'ils vont faire rentrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Ils vont choisir ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. Hein? C'est plus Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des cieux et de la terre, le maître des cieux et de la terre qui décide de ce qui est obligatoire, mais maintenant c'est des êtres humains, c'est eux qui décident. Ça c'est obligatoire, ça c'est pas obligatoire. C'est un peu le marché, tu choisis ce que tu veux. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن الله تعالى هو الذي يفرض على عباده ما يريد فإذا فرض عليهم شيئا لزمهم ذلك لاستسلامهم له. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré dans ce hadith que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui rend ce qu'il veut d'obligatoire à ses serviteurs. Et que lorsqu'il leur rend quelque chose obligatoire, cela leur est donc imposé. Cela leur est imposé. Et ceci par leur soumission pour lui. Ils sont soumis à leur Seigneur. Tabaraka wa ta'ala. Wa laysa li ahadin an yashra'a min ad-din ma lam yashra'ahu Allah tabaraka wa ta'ala. Et il n'appartient à personne, il n'appartient à quiconque de légiférer dans notre religion ce que Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas légiféré. Allah ta'ala qui dit: أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Ont-ils des associés qui ont légiféré, qui leur ont légiféré dans la religion ce que Allah n'a pas autorisé? Subhanallah. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إِنَّ كُلَّ عِبَادَةٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ ليست واجبة أو مستحبة فهي بدعة. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que certes, tout acte d'adoration que l'être humain va utiliser pour chercher à se rapprocher d'Allah, et donc il va chercher à adorer Allah tabaraka wa ta'ala avec cet acte, s'il n'est pas obligatoire ou recommandé, alors cet acte est une innovation. Et donc si Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas rendu obligatoire dans son livre ou par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou si Allah tabaraka wa ta'ala ne l'a pas rendu recommandé dans son livre ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sache que cet acte est une bid'a, c'est une innovation. Wa yatabayyanu min kalam Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah an al-yahudiyyata wa an-nasraniyyata bid'atani من ابتدع ومن وأن من ابتدع في الدين من المسلمين فسلفهم في ذلك اليهود والنصارى. Et certes, il apparaît clairement de la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah que la religion juive ainsi que la religion chrétienne sont deux innovations. Ce sont des innovations. Et que celui qui va innover dans la religion parmi les musulmans, ceux qui vont innover des éléments dans la religion, alors leurs pieux prédécesseurs en cela, ce sont les juifs et les chrétiens. Subhanallah. Et donc nous devons craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas l'adorer avec ignorance. Tu ne peux pas non plus l'adorer en choisissant toi comment tu vas l'adorer. Mais tu dois te soumettre à lui et suivre ses recommandations. Et suivre le messager qu'il nous a envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Suivre sa guidée. Et ainsi tu atteindras la réussite. On continue l'explication de ce chapitre très important. Demain, inshallah ta'ala, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayran.